À l'occasion du 64e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie, Al-Hassan Memmen Mohammad, président du comité national d'études du kimsunisme kimzonglisme du Nigérien, a rendu le 24 juillet une visite de félicitations à l'ambassade coréenne dans son pays. Il a déposé un bouquet de fleurs devant le tableau de peinture représentant le président Kim Il-sung qui se trouve ensemble avec le général Kim Jong-il avant de leur rendre hommage.